target, je dis en moi, je dis rouler, s'il vous plaît. J'ai poulé, si vous voulez, moi, mes pieds saoulés. Tournez là, votre alcool vous casse pas les coups. J'en ai fumé des cônes et puis coulé des bouts. J'ai commencé à l'époque où c'était mal vu de demander des os, c'est belle large. J'ai déjà trop picolé, mais passons de suite à la suite. Vite, c'est l'heure de bricoler. J'avoue, je me suis fourré. Partout, je me suis bourré de route. Puis finalement, vers le hip-hop. J'en suis tourné, je kiffe même ma life. L'artiste avant de couler. J'ai qu'il check le mic quand j'arrête complètement bourré. Test quelques phases conscientes, c'est mort. Laisse-moi faire un sale ego triple. Mais de m'emporte, c'est fort. On pète le score. Attends, mec, faut t'entendre. C'est mortel quand les frères le triple. Mais elle en mode, je reste fort. Et j'aime ça. Fais des tours, secoue-toi, bouge, quoi. Comme en classe, je veux que tu lèves le dos. Toi, t'es fou, toi, tu fous, quoi. Je veux pouvoir sentir ton haleine et qu'on voit les poils. Et tout va, que toutes mes phases te modifient la face sur ton visage. Voir l'émotion car le système, la glace, très élevé. Les larmes, le vide est alarmé sur le vice. Sans armer, faire la diff. Dans l'arrêt, malgré bébert, on doit libérer. On voit la vie d'une autre couleur. Je dois évacuer trop de colère. Petit tu vis. Malgré la tristesse, on continue de vivre. Malgré l'air, on voit. Même nos frères sans voix en l'air, c'est l'enfer. Malgré les pertes, on continue de fumer. Malgré les pertes, on continue de fumer. Malgré les verres, on voit. Le temps est sec, comme le sol lunaire. Je vais vider mon sac, finir une bague à l'annulaire. C'est peut-être plage. Je sais pas, mais je suis allé droit comme ta joue. Pendant une droite à la malheur. On attend d'atteindre le prochain étage. Que les sages ont l'offre la voie vers un billet. Vers un billet, là, ça s'en fout. We'll be right back. Max est en colère parfois, mais ça fait même pas peur. Même pas peur, quoi. Tu veux qu'on se batte, je te fais même pas mal. Même pas mal, mais avec ton stylo, je pourrais tellement en remettre à l'air. Et d'ailleurs, si t'es dans mon viseur, j'espère que t'as un cerveau pas balle. Les balles et mes phases et tes races et des nazes, facile. Effacer les salauds qui bavent sur le mic, tous les farcis. Partir loin, j'aurais pu, je l'ai fait, je suis revenu. Fêter la fin des faibles et faire de l'éphénum chaque. Ça va décalquer tes oreilles, t'es là pour voir du show, on est venu réclamer notre oseille. Non, c'est bugs et je blague. Si je suis ici, c'est pour la scène-ci, c'est pour draguer. Y a-t-il une miss avec de l'herbe fraîche? Toujours faire d'une paire de couches, cherche weed avec une paire de fesses. Envoie de la grime et je suis le best, ne teste pas à l'aise. Tombé, tu vas retourner ta veste. Je suis un petit con, ton con, me laisse le micro. Un petit con, canton, mais à l'aise les mythos. Impliqué, car y'a l'avenir à préparer. Je suis pas un piqué de bar, j'ai même pas de vie à foirer. Je kick le mic tous les jours de la semaine. Si je fais plus score et mal, on a ravé qu'avec toi, c'est pour que ça saigne. On est des paquets sur le chrome. Et je sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, je suis au taquet, c'est promis. Gros, je mise sur ma propre personne comme un rita en outil. Tu vas force d'être seul, perd la boussole, mais faut dire. Trop de wack menace ma folie. Je vais leur percer les tympans, je dis ça pour rester poli. Laisse-moi de la place que je m'organise. Que je quitte un peu l'instru, que je m'habitue, que je vocalise. Please, laisse-moi deux secondes que je focalise. La lunette de mon gros calibre que je traumatise. Ça fait bra, bra dans la tête des wack MC. Je suis pas venu faire des claquettes ou chanter wack MC. Mais avec des textes que j'ai moi-même signé, je tire comme les fous pour manier le micro sur moi. Avec les gros nénés, les vrais pas pour Abora. Pratique le Cuba, la fin de Facebook. C'est pas du bouffe qui sont là, que pour faire la nova. C'est fou là, joue tout là, mourque la roue, la foule là. La roule et tout, amasse tout pour la pousse. Toi, soule pas, bouge d'art. Pas tout qu'apprendre à respecter les femmes. Et je me fous pas dans le téléphone. Bugs et colère parfois, mais ça fait même pas peur. Même pas peur. Quoi, tu veux qu'on se tape, je te fais même pas mal. Avec mon stylo, je pourrais tellement en remettre à l'heure. Et d'ailleurs, si t'es dans mon cerveau, j'espère que t'as un cerveau pas en bas. Comme un ninja, son nom c'est chill. Comme un KH, mon canapé, j'habite un coin tranquille. Que le temps est là, frappé l'ambiance et tout tarpé. Rabelle-toi, on barbecue à l'amitié. Tout de belle et toi, je te paye une pinte. Et si ça finit en beurre, on essaiera de se convaincre. Que nous aussi, on a le vie. On veut les croquettes, la pâte et les souris. Mais on ronronne pas, c'est nos souris. On veut les caresses dans le promettre. La paresse avant tout, avoir de la vie, c'est très mauvais. Y'a pas ceux qui croient encore en l'amitié, qui se démènent pour un son de qualité. Puis ils savent que rien ne sert de s'agiter. Puis la voix du chat vous a bloqué. Matoumino, ça c'est pas dans mes gâteaux. Matoumino dans nos gâteaux. Même la lime, c'est pour mes évadés du ghetto. Puis mes amoureux de la folie. Je suis maintenant m'étaler sur le matelas. Je vais me mettre là et me caler salement, genre d'ici quelques années. Seulement je pourrais faire un move et me décaler. J'ai toujours été un félin, le petit fil fêlé. Fallait me voir filer dans la foule et me faut filanter un feu. Follet, j'ai bien failli foutre ma vie en l'air à force de flammer dans les frontières. Trop dans la folie, viens donc m'écouter miauler le soir. Pour savoir le type de lait que je te conseille de boire. C'est pour mes jabois. Panthère, guet par sa chambre en cherchant la gloire. On finit en délicat bar. Donc je fais moins de sport, plus de philo. Et je bouge juste les 2 fois 30 kilos afin d'éviter que mes muscles s'enfilent. Je m'amuse, mais j'ai des plans de boulot. canapé affalé. M'attends la télé, la bouche ouverte en train d'avaler. Toutes sortes de couleuvres aiment le poulet. À croire que s'il se lève à l'heure, le poulet va me crouler. Car le pigeon flip a besoin de sécurité. Vie plein de crépidrités dans nos villes. Galopant de vue des killers, mes dealers. Qui n'est pas l'heure de croire tout ce qui se raconte au début. Régurgiter tout ce qui nous ont fait gober des gommes sans déconner. Raison, les gros, c'est le gros jeu. Je te promets. Promis le flow, les crocs, j'ai trop mis dans ce rap. Et puis à deux mesures, j'ai trop mis. Trop de gros mythos, ce qu'ils ont qui vomissent. Homie, qui profitent des trop nouveaux disons. Cogite, si t'as quelques neurones qui fonctionnent. Ma comme il te fonctionne. Logique, puisqu'on les laisse faire depuis tout ce temps. J'espère que des jeunes poussent attendent qu'il s'agit d'aller vivre. Mais tout ce temps, oups, je rends. Où je rends, sous le genre. Pour de danse, ma boue de danse. Et on est fiers comme des pigeons. Bêtes comme des pigeons. Chiens, bouffes, on baisse comme en démocratie, alors qu'on construit nous-mêmes chaque mur et chaque barreau de notre prison. Eh hey, pigeon, t'as cru que t'avais du pouvoir. Viens, on fume un joint dans un commissariat. Pour voir, hein. Tous les 5 ans, tu votes, c'est bien mon pote. Mais dans l'isoloir, c'est le trou noir. Et t'es un bon pigeon, tu milites pour des partis dont l'élite te chie dessus. Comme si c'était eux les pigeons. Leur religion, influence, domination. Faut que le respect nous exigions. Crois-tu vraiment que l'État écoute le peuple? Crois-tu vraiment qu'assurément les lois sont tout au top? Pigeon, t'es un bouffon si tu crois que ces fils d'œufs travaillent pour ton bien alors que c'est eux qui font clader du galop. Ils parlent de crise, qui prend les décisions? Pas le peuple, une bande de fous avec une drôle de vision pensant savoir mieux que nous. Où se trouve la raison? J'accuse nos représentants d'être élus par la télévision. Vas-y, vote, vas-y, crois que tu pèses, vas-y, vote, mais dans le fond c'est toi que tu baises. Allez, baisse ton froc de toute façon, quoi que tu mettes dans l'urne, dans leur chiotte, c'est toi que tu gères. Et tu te sens rebelle, parce que t'as canal, tu te fais carotte, mais t'es content, t'as fait ta quenelle. Du 169, ces bâtards ont serré les seufs, t'as perdu ton taf, bref, t'as compris que dalle, mais vas-y, vote, vas-y, crois que tu pèses, vas-y, vote, mais dans le fond c'est toi que tu baises. Allez, baisse ton froc de toute façon, quoi que tu mettes dans l'urne, rêve pas. Avec il me faut pas grand chose pour taper ma dose de bon délire. Donc arrête ton apologie du paraître. Tu mérites pas d'être à la tête de notre art. En parlant que de fringues de paraître, que de fringues de mallette. Quand tes seringues de paillettes, il est temps de stopper cette blague et de capter que ce n'est pas net. On est stéréotypé par des faits, les stéroïdes, les héroïdes. Et prends ton swag et va mourir sur une autre planète. T'es comme un dollar déguisé en tract. Respecte rien comme le connard qui se lève avant l'entraque. Pour toi réussir, c'est être un molosse. T'es prêt à courir pour être celui qui choque. comme une benne sur une sœur, mais qu'une merde sur une fleur, un problème, t'es comme une... Au bac, c'est SK, débarque pour pas qu'il n'est trop ou tabou. beat c'est chaud. Et tu crois que t'as qu'il est trop de gars. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Nous ce qu'on veut c'est tactique et flow. Arriver haut grâce à du son qui fait glisser ses frères et sœurs sur la piste. C'est ce qui me fait kiffer, tu sais qui c'est sévit. C'est celui qui fait du sérieux souvent. Vas-y c'est chaud de passer du sous-son si soudain.